Audiomatique. Thank you. En guise d'introduction à cette transmission 021 d'Audiomatique, vous avez pu entendre la pièce 10 Piece Metric Wrench Set qui a été créée par le Brésilien Amon Tobin et l'Américain Steensky. Leur composition apparaît sur l'album compilation d'Amon Tobin intitulé Verbal Remixes and Collaborations. L'univers des sonorités électroniques est exponentiel et les électronistes tentent tant bien que mal de se porter à la découverte des multiples nébuleuses de la composition musicale à partir de sons et de bruits acoustiques et synthétiques. Et cette transmission d'Audiomatique ne fera pas exception à ce mandat que nous nous sommes donné, soit de mettre en valeur des compositeurs apportant leur contribution à ce riche et vaste genre qu'est la musique électronique. L'usine, c'est le projet de Jeff McIlwain qui aujourd'hui nous offre un son mélangeant la house et la pop. Il ouvre cette séquence musicale avec la pièce Without a Plan. We'll be right back. Vous aurez peut-être reconnu la populaire formation britannique Massive Attack qui concluait cette séquence avec sa pièce Rising Sun. On retrouve cette composition sur l'album Mezzanine paru en 1998, mais également sur l'anthologie Collected qui regroupe plusieurs des pièces ayant fait la renommée du groupe. Il s'agit d'ailleurs d'une belle façon de se familiariser avec la musique de Massive Attack, si ce n'est déjà fait. Et la pièce qui ouvrait cette séquence provient du projet L'Usine. Il s'agissait de la composition Without a Plan, tirée de son plus récent album The Waiting Room. Le prochain segment musical débute à l'instant avec Felix the House Cat à Audiomatique. cars don't buy. Do you find me attractive? I will be your slave. I will do anything. I would only like to be your service. Yeah. standing at the corner watching cars go by. I'm not afraid to transformation. C'est fou. 89.1. Précédemment, à la pause publicitaire, à Audiomatic, il s'agissait de la collaboration entre l'Italien Daniele Godi-Senacci et le Britannique Nick Brennan, ou si vous préférez, la collaboration entre Godi et Trip Switch, qui nous offrait la pièce On the Edge, parue sur la compilation Soul Vibration No. 001. Et pour débuter cette courte séquence, nous avions droit à l'Américain Felix Stallings Jr., mieux connu sous le pseudonyme de Felix the House Cat, de qui nous entendions la pièce Watching Cars Go By, tirée de l'album concept Devon Dazzle and the Neon Fever, paru en 2004. Toujours à l'émission Audiomatique, on poursuit maintenant avec Steve Roach, une figure bien connue de la musique électronique ambiante dont la démarche artistique s'inscrit à la suite des pionniers comme Edgar Froese, Klaus Schulze et Jean-Michel Jarre, pour n'en nommer que quelques-uns. Donc, depuis 1982, cet artiste, dont le studio est situé dans le désert de l'Arizona, explore tous les recoins et confins de la musique ambiante. À travers son impressionnante discographie, on peut se perdre dans des sonorités allant de la trance atmosphérique au rythme à l'influence tribale, en passant par des nappes synthétiques brumeuses et minimales. Quant à la pièce que nous écouterons dans quelques instants, qui se nomme The Majestic Void, celle-ci regroupe plusieurs éléments de la musique de Steve Roach. Il s'agit d'une pièce réalisée en 1994 pour la compilation Electronic Music de l'étiquette de disque KLEM. Cette pièce se retrouve également sur une anthologie intitulée Truth and Beauty, qui regroupe plusieurs pièces rares et inédites produites par Steve Roach dans les années 90. Voici donc, sans attendre, The Majestic Void. Thank you.

nous écoutions le projet Saltillo et la pièce de Locust Priory tirée de son deuxième album intitulé Monocyte. Soulignons que l'artiste derrière ce projet, soit Menton G. Matthews, joue lui-même tous les instruments acoustiques qu'il ajoute à ses compositions électroniques, donc notamment violon, piano et banjo, donc auteur, compositeur et interprète. Mentionnons aussi que Saltillo nous prépare un nouvel album pour 2015 dont le titre est Catabasis. Avant cela, c'était la formation Decree, dirigée par l'artiste canadien Chris Peterson, notamment connu pour ses participations sporadiques à des groupes comme Frontline Assembly, Unit 187 et Delirium. Nous entendions la pièce Arrogance du troisième album de Decree intitulé Faithless. Comme vous l'avez constaté, c'est une musique qui est assez lourde et assez sombre aussi. Notez qu'en presque 20 ans d'existence, Decree n'a produit que 3 albums. Et on amorçait de façon plus lumineuse la séquence avec l'artiste Steve Roach et sa composition de Majestic Void tirée de l'album Truth and Beauty. Nous en sommes déjà au dernier droit de l'émission. Nous espérons qu'elle a su vous plaire. Pour clore cette transmission 021 d'Audiomatique, nous entendrons la chanson Do's and Don'ts de Boom Bip, le projet de Brian Charles Allen, sur laquelle chante Gruff Reese, le chanteur du groupe Super Furry Animals. Voilà qui mettra fin à la transmission de ce soir, mais n'ayez crainte, les électronistes seront de retour mercredi prochain dès 18h pour la transmission 022 d'Audiomatique. D'ici là, sachez que nous sommes rediffusés les samedis à 20h et que vous pouvez également réécouter nos anciennes émissions en vous rendant sur notre page Facebook à Audiomatique CFOU. Restez à l'écoute, les audacieuses suivent dans quelques minutes. Mais tout juste avant, voici Boom Bip accompagné de Gruff Reese et la chanson Do's and Don'ts. The do's and the don'ts, all the will and the wants. I shall not do that.